raconte en faire un sac en cuir. Ça ferait un joli présent qu'il donnerait à la princesse qu'il convoite ce temps. Il se prépare à la bagarre, il met un coup de théo et attaque la bête noire. En pleurs car elle n'aura pas de cadeau.